Alors bonjour à tous et à tous ceux qui vont arriver. Donc aujourd'hui nous avons décidé de consacrer cette séance, et je crois qu'il y en aura une autre ensuite en mai, un peu dans le même esprit, du séminaire politique des sciences. Donc on a intitulé la séance New Public Management ou Management par projet, comment gâcher le travail. L'idée était de mettre en valeur des transversalités entre les conditions offertes à la recherche, les modes de financement, la précarité, on vient d'en parler, qui transforment nos pratiques indéniablement, on s'en rend compte de plus en plus, et nos objets d'ailleurs, et également je crois les relations entre la recherche dite fondamentale et la société. On voulait donc ici avoir des points de comparaison avec d'autres univers de travail. Donc j'ai invité Marianne Dujarrier et Laurent Bloch, qui tous les deux vont parler à partir de terrains sur lesquels ils travaillent depuis un certain temps. Donc celui de Marianne Dujarrier, elle va tout vous en dire, puisque précisément le terrain a été un des soucis, en tout cas pour son dévoilement scientifique. Donc Marianne Dujarrier, maître de conférence HDR en sociologie à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, chercheur au LISE, et elle va donc à partir d'une enquête sur l'évaluation par les chiffres et de la performance, évoquer donc ces nouvelles conditions de travail et finalement montrer comment du point à la fois le point de vue des institutions et le point de vue des travailleurs. Et m'avait-elle dit dans le petit texte que j'ai fait circuler, montrer comment tout cela joint l'inutile au désagréable. Mais je pense qu'elle va vous donner des arguments pour fonder ces adjectifs. Et puis ensuite, on entendra donc Laurent Bloch, qui a été DSI à l'Université Paris-Dauphine, responsable de la sécurité des systèmes d'information de l'INSERM et responsable du service d'informatique scientifique de l'Institut Pasteur. Et là, on s'intéressera donc aux méthodes de conduite de projet appliquées donc au système d'information. Et Laurent Bloch nous montrera comment cette façon de concevoir finalement ces projets dans le domaine de l'informatique a des incidences. Et surtout, je crois qu'il nous parlera des différents acteurs qui rentrent dans la danse. Et là, l'adjectif conclut le passage de présentation est ennuyeuse. Donc là aussi, tu me mettras en valeur et tu donneras des arguments pour renforcer et fonder cet adjectif. Alors, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous avais dit une présentation autour de 45 minutes, puisque bon, on a 4 heures, on n'est pas obligé de tenir jusqu'à 21h. Mais 45 minutes, et puis ensuite peut-être il y aura une phase de questions après chaque intervention, et puis ensuite peut-être un débat qui pourra s'élargir. Voilà, Marianne, à toi. Merci.